just me, myself et mon putain de chromie. 1989 dans les rayons d'Intermarché, je cherchais en vain un petit cadeau à acheter. Quand je tombe sur une cassette dont le dessin me plaisait, deux temps, trois mouvements, ça y est, c'est emballé. Qu'ensuite je l'avais repiqué, tant je kiffais quand même si Sean Busta y allait de leur couplet. Mais la vraie claque ne viendra que bien après, avec une cassette du Wu-Tang que l'on m'avait prêté. Parallèlement, mes cahiers peu à peu se remplissaient de lettrages bizarres et de styles flous et colorés. Mes premières bombes et mon premier CD, mon premier tag et les paroles de Fab dans le livre. Ouais. C'est au lycée contaminé que j'ai enfin pu développer l'amour des rimes, des rythmes et des sons bouclés. Époque dorée, car elle coïncidait avec ce qu'ils ont appelé l'âge d'or du rap français. Moi, dans mon coin, j'avais les oreilles inondées, bouger la tête avant briser la nuque sur les sons de premier. La bande son idéale qui m'accompagnait quand je passais des heures et des heures avec mon crayon à papier. J'ai pas fait trop de murs, trop de missions, trop de fresques, mais mes feuilles de cours étaient bien défoncées. Ben ouais, c'était l'été et les Fujis étaient en couvre du premier radical que j'ai maintes fois feuilleté. Je suis pas un pionnier, mais j'étais passionné, toujours à la recherche de sentiers à sillonner, à l'aventure sur les chemins escarpés de cette nouvelle culture qui me fascinait. Je pense donc j'écris, j'écris donc je suis donc j'hésite à étouffer mes cris. Just me, myself et mon putain de chromie. Je pense donc j'écris donc je suis donc j'hésite à étouffer mes cris. Just me, myself et mon putain de chromie. Sous l'influence de la scred et d'Oxmo, j'ai voulu un jour déboucher mon stylo. 3300 MAX 2 et 0, on se fixe comme objectif de squatter les studios. Moi je voulais surtout tâter du micro, mais j'ai vite compris que j'allais devenir accro. SKIP cherche son flow en gesticulant tout seul devant son lavabo. Mon gars, tu peux rêver de strass et de paillettes, de changer ce quotidien de crasse et de canette. D'abord, sors de ta carapace, prends les manettes, tu dois t'extirper de la masse si t'es pas net. Des années après, pas mal de choses ont changé. Tout n'est pas si facile au sein du rap français. Quoi qu'il en soit, je suis là en train de vous expliquer pourquoi vous êtes en train de m'entendre rapper. Aujourd'hui ça reste mon kiff, peut-être un jour mon métier. Livrer mes impressions perso sur un son balancé. Je pense donc je suis donc j'écris, j'écris donc j'hésite à étouffer mes cris. Just me, myself et mon putain de chromie. SKIP mon ami, l'histoire d'une vie.